Je m'appelle Marion, j'ai 30 ans. Marjorie, c'est une super amie à moi, on s'est rencontrés il y a 10 ans à la danse. On est devenues maman quasiment au même moment. Et moi, ça a été un peu compliqué avec mes employeurs et j'ai pu voir qu'elle a eu beaucoup de chance d'être chez Lidl à ce moment-là. Ils ont tout de suite été super humains et compréhensifs. Ils lui ont aménagé ses horaires et puis après, ils lui ont permis de pouvoir être disponible pour son fils. Et elle est devenue plus responsable, encore plus que ce qu'elle n'était déjà, et ça lui a permis d'évoluer. Lidl, bien plus qu'un job. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'assassinat par la police du jeune Gregor Spremik à Varsovie au mois de mai 1983. Une affaire qui nous plonge dans la réalité de la Pologne du général Jaruzelski, pays de l'Est où le premier syndicat indépendant tente de résister à une violente répression et plus globalement au régime communiste imposé par l'URSS, le grand frère encombrant. Au printemps 83, un an et demi après l'instauration de l'état de siège qui plonge la Pologne dans les ténèbres, ce jeune homme, tout juste diplômé du baccalauréat, est arrêté par la milice sur une place de Varsovie. Violemment battu entre les quatre murs du commissariat, il meurt deux jours plus tard, le foie explosé à force de subir des coups de pied dans le ventre, de dégénérer en uniforme. La milice dite citoyenne, qui gagne sa vie à surveiller et à martyriser parfois ses propres concitoyens. Cet assassinat choque la population polonaise, elle qui pourtant en a vu d'autres de la part de la dictature qu'il gouverne. Alors, pour éviter que le peuple ne se retourne contre lui, le général Jaruzelski décide qu'un procès doit se tenir, certes, mais sans laisser la justice faire son travail. Sauver la face, rien de plus. Et c'est la fabrique des mensonges qui se met en place au plus haut niveau de l'État. Un drame que le film Varsovie 83, une affaire d'État actuellement salée et dont France Inter est partenaire, montre avec talent. Certaines des archives que vous entendrez dans ce récit en sont extraites. Notre invité aujourd'hui, Jean-Yves Potel, écrivain, universitaire et historien, spécialiste de la Pologne. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Gaspard Valu, coordination Christophe Barrère, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Jeudi 12 mai 1983, dans les rues de la vieille ville de Varsovie. C'est un jour à part pour les élèves de terminale du pays, le jour de la remise des résultats du baccalauréat. Parmi les milliers d'étudiants polonais qui célèbrent la fin de leurs années de lycéens, il y a Gregor Spremik, 19 ans, et sa bande d'amis. Pour eux, évidemment, l'heure est à la célébration, à l'organisation également des vacances d'été. Il s'imagine déjà sur les plages de la mer Baltique, profitant des chaleurs estivales et des soirées étudiantes arrosées. Il est environ 17h lorsque la petite bande d'amis sort d'un café de la vieille ville de la capitale polonaise. Ils sont sur la place du château. Une bande de jeunes, heureux, insouciants. Certains d'entre eux se laissant aller à des effusions de joie, d'autres levant les bras au ciel. Gregor prend son élan, puis saute sur le dos de Cesari, philosophe, l'un des camarades de classe. Il l'envoie au sol de tout son poids. Les rires ne laissent pas de place au doute. Ils sont bien en train de s'amuser. Mais sur la place du château, deux officiers de la ZOMO, la milice citoyenne, sorte de police parallèle, observent les lycéens du coin de l'œil. Et dans la Pologne de 1983, placée, rappelons-le, sous le régime de la loi martiale, mieux vaut ne pas se faire remarquer. Paraître heureux serait-il suspect? Il se trouve que ce jour-là, deux miliciens apparemment ne supportent pas de voir des jeunes vivre leur jeunesse. Alors ils se rapprochent de Gregor et Cesari, tous deux allongés sur le sol. Ils procèdent à un contrôle d'identité, mais Gregor n'a pas ses papiers sur lui. Après un temps de contestation, il embarque avec son ami à bord d'une voiture de police. Ils sont conduits au commissariat où doit avoir lieu un contrôle approfondi. Mais une fois entre les murs du commissariat, c'est le piège. Gregor proteste contre cette arrestation arbitraire. Il invective les policiers qui se défoulent alors sur lui. À partir des témoignages de Cesari, le témoin et ami de Gregor, le réalisateur du film Varsovie 83, une affaire d'État, reconstitue la scène. Elle est où ta carte ? Je ne suis pas obligé de l'avoir avec moi. Tu te crois malin, c'est ça? Tu te crois malin? C'est sa mère qui veut lui apporter. Mieux pour plaît. Attendez. Surtout ne frappez pas le dos. Visez le ventre. Ça ne laisse pas de traces. Scène insoutenable. Le jeune lycéen est battu sous les yeux de son ami. Après plusieurs minutes d'un passage à tabac des plus barbares, les miliciens de la Zomo décident d'appeler une ambulance. Gregors ne présente pas de traces sur le corps. Ces flics-là savent comment y faire. Sous la lâche protection de l'uniforme, ils se défoulent et tapent comme des sourds sur le jeune homme sans défense, étendu sur le sol, inconscient. C'est sa mère qui vient récupérer à l'hôpital le soir même. Elle ne veut pas laisser son fils seul dans l'un de ces hôpitaux à la réputation macabre. De retour chez eux, Gregors semble aller mieux. Probablement grâce aux médicaments qui commencent à faire effet. Il raconte alors à sa mère et ses amis venus le retrouver comment il a été battu par les miliciens. Mais le lendemain matin, le jeune homme est au plus mal. Il a le teint blême et peine à articuler les quelques mots qu'il tente de prononcer. Sa mère décide de le conduire à nouveau à l'hôpital. Il est alors placé dans une unité de soins intensifs où son état se dégrade. Il est opéré dans la nuit du 13 au 14 mai. Les médecins sont formels. Il a subi une perforation gastro-intestinale. Son foie a explosé. Et ils ne peuvent plus rien. Gregors Primic meurt dans l'après-midi du 14 mai 1983. Malgré le silence quasi total de la presse, la nouvelle de la mort de Gregors se répand comme une traînée de poudre dans les milieux d'opposition au régime autoritaire polonais. Parce que le jeune homme n'est pas n'importe qui. Sa mère est connue pour son engagement. Elle s'appelle Barbara Sadowska. Elle est poétesse, proche de l'église catholique, opposée au régime et membre d'une association d'aide aux prisonniers politiques. Bien sûr pour elle, la mort de son fils n'a rien d'accidentel. Car quelques jours plus tôt, à la fin du mois d'avril 83, elle était arrêtée lors d'une manif à Varsovie. La police l'avait gardée plusieurs jours derrière les barreaux et elle n'avait pas hésité à multiplier les pressions pour la faire craquer. Parmi le flot de menaces, la pire pour une mère, celle de s'en prendre à son fils. En tout cas, grâce au réseau de Barbara Zalowska, l'information de l'assassinat de Gregors Primic parvient à traverser les frontières. En quelques jours seulement, les médias occidentaux commencent à relayer la nouvelle. Face à cette situation gênante, le gouvernement et les médias d'État polonais sont obligés de réagir. Selon la version officielle, Gregors et son ami, arrêtés le 12 mai, ne seraient que deux manifestants, embarqués ivres par la police et déjà sérieusement amochés avant même leur arrivée au commissariat central de Varsovie. Premier mensonge, premier d'une longue série, qui n'est pas sans nous rappeler le tableau de la RDA, dépeint par cet autre grand film intitulé « La vie des autres », où l'on voit un régime de malades, paranoïaques, jusqu'à soupçonner tous ceux et toutes celles qui constituent son propre peuple, devenu ennemi de l'intérieur. Seulement voilà, le premier mensonge de la police ne convainc pas les foules, qui se massent en nombre devant l'église Saint-Stanislas le 19 mai, jour de l'enterrement du jeune homme. Un événement suivi de près par les médias occidentaux. Le journal de Gérard Courchel. Bonjour Gérard. Bonjour. Une manifestation spectaculaire et inattendue à Varsovie à l'occasion des obsèques d'un jeune homme qui, selon sa famille, a été sauvagement frappé dans un commissariat de police. 60 000 personnes ont convergé hier vers l'église Saint-Stanislas au nord-ouest de Varsovie. De Varsovie, le correspondant de l'agence France-Presse, Jacques-Michel Tondre. Un autre groupe aussi important attendait déjà l'arrivée du cercueil et c'est une véritable... véritable marée humaine qui s'est engagée derrière la famille et les proches amis dans les allées bordées de tombes. La cérémonie se transforme vite en une importante manifestation à l'encontre du pouvoir en place. Et à la fin du mois de mai, le pouvoir militaro-communiste de Varsovie se trouve dans une situation périlleuse. Mais pour bien comprendre ce qui se joue lors de ce printemps 83, il faut remonter 3 ans plus tôt. Durant l'été 1980, le pays connaît en effet un important mouvement social et politique, à tel point que les grèves qui éclatent paralysent le pays. Un été chaud en Pologne où les grèves s'accumulent. Depuis début juillet, des arrêts de travail ont touché au moins 150 entreprises, ce qui n'est pas rien dans un pays socialiste. Les manifestations contre les hausses du prix de la viande se multiplient et prennent d'ailleurs une tournure nettement anti-soviétique. Ce matin, le gouvernement de Varsovie a donné le signal de la répression en faisant emprisonner le dirigeant des éboueurs en grève. Un climat social vraiment explosif en Pologne, Christian Bilman. Oui, c'est vrai, et cet emprisonnement est un événement grave. Depuis plus d'un mois maintenant que ce mouvement de grève s'étend, les autorités polonaises évitaient soigneusement toute répression. Au contraire, à Varsovie, on reste encore sous le choc de 1970 et on veut à tout prix échapper à l'enchaînement qui, cette année-là, dans les ports de la Baltique, Gdansk et Gdynia, avait conduit de simples conflits sociaux à un début de soulèvement. Pourtant, en août, c'est bien au sein du chantier naval Lenine à Gdansk, au nord du pays, que les ouvriers cessent de travailler. Les 17 000 ouvriers du chantier Lenine sont rapidement rejoints par la totalité des travailleurs du bassin industriel de la Baltique. Et très vite, c'est une grande partie des ouvriers du pays qui se joignent au mouvement. Les grévistes parviennent à arracher des négociations directes avec un gouvernement obligé de se déplacer dans les bureaux occupés du chantier naval. Parmi les manifestants, un homme s'impose rapidement comme le leader du mouvement, Lech Walesa. Il va diriger la délégation d'ouvriers et va permettre aux travailleurs de sortir vainqueurs de ce bras de fer. Il faut savoir terminer une grève, disait le leader communiste français Maurice Thorez pendant le Front Populaire en 1936. 44 ans plus tard, les ouvriers polonais de Gdansk appliquent la leçon de Thorez. Après 17 jours de lutte, ils ont obtenu pratiquement tout ce qu'ils désiraient. Ils reprendront le travail demain matin. L'accord entre les autorités de Varsovie et les ouvriers grévistes a été signé à midi tapante. Le gouvernement a cédé sur tout. Création de syndicats libres, droit de grève, libération des prisonniers politiques, hausse de salaire, limitation de la censure, elle ne sera plus appliquée que pour les secrets d'État et les problèmes militaires. Enfin, les grévistes qui, dès le début, avaient affiché un poster de Jean-Paul II sur les grilles du chantier naval, ont également obtenu la retransmission d'une messe télévisée chaque dimanche. L'accord du 31 août 80 est effectivement un accord historique. La création d'un syndicat indépendant était la principale revendication des grévistes. Elle est acceptée. Ce tout nouveau syndicat est baptisé Solidarnosc, solidarité en français. Il incarne la première vraie brèche dans le glacis communiste. Les révolutions de 1989 en Europe de l'Est et la chute du mur de Berlin doivent probablement beaucoup à la Pologne. Situation surréaliste. Le puissant parti communiste polonais, totalitaire, observe presque impuissant des millions de citoyens rejoindre le mouvement. En septembre 80, ils sont près de 10 millions sur les 35 que compte le pays à adhérer à Solidarnosc. Le syndicat reçoit le soutien de la puissante Église catholique polonaise, surpuissante même, puisque le pape Jean-Paul II, un pape de surcroît très politique, est polonais. Pour le régime de Varsovie, c'est plus qu'un caillou dans la chaussure, c'est une pierre, un rocher. Face aux événements en Pologne, à Moscou, Léonid Brejnev, le dirigeant de l'URSS, hésite un temps à intervenir militairement, massant des troupes aux frontières de la Pologne. Mais quelques mois plus tard, en février 81, un sinistre général au verre de lunettes fumées nommé Premier ministre. Wojciech Jaruzelski est l'ancien ministre de la Défense nationale et cacique du Parti communiste polonais, dont il est nommé premier secrétaire en octobre 81. Il a désormais la main mise sur le pays et il va très vite imposer sa vision autoritaire du pouvoir. Dans la nuit du 13 au 14 décembre 1981, Jaruzelski et sa clique galonnée décrètent l'état de siège. Bonjour. Jour sombre à Varsovie. C'est l'épreuve de force en Pologne. Depuis l'aube, sur France Inter, nous essayons de vous tenir informés de ce qui se passe depuis la nuit dernière dans la capitale polonaise. Le gouvernement du général Jaruzelski a pris ce matin les pleins pouvoirs, décrété l'état de siège et fait arrêter plusieurs dizaines de militants politiques et syndicaux dans toute la Pologne. La police et l'armée polonaise patrouillent dans les rues des grandes villes, mais on ne signale pour le moment aucune violence et surtout pas de mouvement de troupes soviétiques à l'horizon. À ce bref résumé, il faut ajouter qu'on est sans nouvelles de Lech Walesa. Il faut dire que les communications entre Varsovie et l'Occident sont coupées depuis le milieu de la nuit. Ce matin donc, en ouvrant leur poste de radio, les Polonais ont entendu leur Premier ministre, le général Jaruzelski, leur annoncer sur un ton dramatique qu'il avait proclamé l'état de siège et mis en place un conseil militaire de salut national qui va coiffer tous les pouvoirs de l'administration. Solidarnosc est suspendu, ses principaux dirigeants envoyés en prison. Avec l'état de siège, le peuple polonais vit désormais sous le régime de la loi martiale. Un couvre-feu est imposé, une censure stricte est appliquée. La nuit tombe sur la Pologne. La milice citoyenne, une sorte de police alternative créée en 1956, est désormais chargée de veiller sur la sécurité des grands événements et applique avec zèle la politique de répression du régime de Jaruzelski. Dans ce nouveau contexte politique, les militants de Solidarnosc continuent pourtant de se mobiliser. Avec le soutien de l'Église, ils parviennent à faire exister le mouvement, d'abord en totale clandestinité, puis au profit d'un allègement de l'état de siège à la fin de l'année 82, un peu plus dans la lumière. C'est dans ce contexte, en mai 1983, et alors que le pape Jean-Paul II s'apprête à effectuer un déplacement officiel en Pologne, que Grzegorz Prestnik est assassiné dans un commissariat de Varsovie par deux officiers de la milice citoyenne. Réaction populaire face à la mort du jeune Grzegorz Prestnik inquiète le pouvoir polonais, d'autant que la visite de Jean-Paul II prochaine va braquer les caméras du monde entier sur la Pologne d'ici quelques semaines. Il faut donc éviter absolument que la contestation ne prenne de l'ampleur. Le 20 mai, dès le lendemain de l'enterrement du jeune étudiant, les ministres se retrouvent autour de la table du Conseil. Il faut décider de la stratégie à adopter. Mais les avis sont divergents. Certains sont pour la transparence. Si Grégor Svesnik a été tué par deux miliciens déviants et violents, il faut qu'il soit condamné. Cela pourrait même avoir le mérite de calmer le vent protestataire qui se lève sur Varsovie, mais aussi de rassurer la communauté internationale, à l'ouest comme à l'est d'ailleurs. Mais pour le ministre de l'Intérieur, un général, ancien chef des services de contre-espionnage, il est impensable de lâcher les deux miliciens. Soutenu par le chef de la police, un général de l'armée, lui aussi, il décide d'appliquer une autre stratégie. Il y aura bien un procès, mais l'enquête doit, quoi qu'il arrive, démontrer que ce ne sont pas les policiers qui ont tué le jeune homme. Les coupables choisis par les généraux polonais sont les deux ambulanciers qui ont transporté Grégor à l'hôpital. Mais encore faut-il convaincre le procureur de la République d'orienter l'enquête dans ce sens, et ça, c'est pas gagné. Car c'est un procureur indépendant, réputé proche de l'opposition, qui est nommé, il n'est pas très coopératif. Consciencieux, il lance un début d'enquête. Et les premiers éléments sont sans appel. Des résultats des études médico-légales jusqu'aux auditions des témoins, notamment l'ami de Rigors, présent au commissariat le 12 mai. Toutes les preuves du crime mènent bien aux miliciens qui ont arrêté le jeune étudiant. Et contrairement à ce qu'affirment les services de police et le ministère de l'Intérieur, les deux ambulanciers sont hors de cause. Pour tenter de le convaincre, le ministre de l'Intérieur convoque le procureur. Une scène racontée dans le film Varsovie 83, une affaire d'État, dont voici un extrait. Hier, mon ministère a reçu une note interne qui disait que le procureur ne veut mettre en examen que la milice. Et en plus pour violence ayant causé la mort. C'est scandaleux, camarade. Et pourquoi ça ? Une seule version des faits sera prise en compte. C'est extrêmement subjectif. Qu'en est-il de la version des ambulanciers ? D'une part, l'enquête n'est pas finie. Et ensuite, selon l'enquête préliminaire du procureur régional, il n'y a qu'au commissariat que la victime a pu être battue. En tant que chef de la milice, j'attends que l'acte d'accusation contienne la version mettant en cause les ambulanciers. Le procureur ne se base pas sur vos attentes, mais sur les faits. L'enquête ne fait que commencer. Et avec l'aide active des services secrets, les dirigeants polonais se lancent dans une vaste opération de manipulation. Elle passe d'abord par les médias de propagande, où l'affaire y est minimisée. Grégor et Cezary sont dépeints comme des toxicomanes agressifs, proches de Lech Walesa, le leader de Solidarnosc, récemment libéré de prison, qui subit également des attaques dans la presse. La stratégie mise en place passe aussi par des pressions de toutes parts. Durant le mois de juin 83, le procureur et son équipe sont menacés, les témoins observés, approchés, parfois même intimidés. Mais rien n'y fait. Au début du mois de juillet, le procureur s'apprête à délivrer son acte d'accusation en vue de l'ouverture d'un procès. Si deux médecins sont accusés de négligence et les deux ambulanciers accusés de coups, ce sont bien les miliciens qui seront jugés pour meurtre. Mais le 6 juillet, le procureur est dessaisi de l'affaire. Et c'est l'une de ses collègues qui récupère le dossier. Si l'on en croit le film Varsovie 83, cette femme est une ayatollah agressive et sans pitié, tout à la solde du régime de Jaruzelski, prête à creuser avec zèle la piste menant aux deux ambulanciers qui sont pourtant blancs comme neige et comme leur blouse. Qu'à cela ne tienne, l'enragé du palais de justice décide de reprendre l'enquête de zéro. Tout est à refaire. Et bien sûr, c'est une aubaine pour les services secrets qui disposent maintenant de temps pour mettre leur plan en action. Ils se focalisent d'abord sur le témoignage de Cezary, l'ami de Grégor, présent au commissariat lors du passage à tabac. Il est le principal témoin et il répète à qui veut l'entendre sa version des faits. C'est d'ailleurs le personnage central du film. En tout cas, dans la réalité et dans l'esprit des autorités, il faut le faire taire. En tout cas, qu'il retire ses propos. Le chef de la police charge donc deux de ses hommes de mettre sur pied une équipe pour le surveiller en permanence. Il se rend également dans la ville où vivent ses parents, au nord de Varsovie. À plusieurs reprises, ils s'introduisent dans l'appartement familial et le fouillent. Les agents cherchent n'importe quel élément qui pourrait discréditer le témoignage du jeune homme. On le présente tantôt comme un homosexuel, ce qui dans ce régime est un délit, tantôt comme un drogué ou un consommateur de prostituées. Les agents du ministère tentent également d'approcher sa famille. Et le père est déjà menacé de contrôle fiscal, sa femme elle risque de perdre son commerce. De quoi les faire chanter efficacement. C'est lors d'un dîner dans l'appartement familial que le père de Césari est discrètement approché. Je ne te comprends pas. Si c'était mon fils... Mais ce n'est pas ton fils. Facile à dire. Et si tu leur parlais? À qui? Au service de sécurité. Tu veux que je balance mon propre fils? Pas balancer, tu ne leur dis rien sur lui. Tu veux protéger ton fils contre Solidarność? Eux, ils peuvent t'aider. Comme ça, tu vas jouer avec eux et pas l'inverse. Dès le lendemain, le père de Césari balance son fils. Les services polonais se focalisent également sur Barbara Zalewska, la mère de Grzegorz, la victime. Mais cette femme est habituée aux pressions du pouvoir. Alors, c'est son avocat qu'il s'acharne. Durant l'été 83, il est arrêté pour une affaire criminelle fabriquée de toutes pièces. Il ne peut plus exercer et doit se résoudre à abandonner la militante à son sort. Enfin, alors que l'année se termine, les services secrets polonais parviennent à faire craquer l'un des ambulanciers et lui extorquer de faux aveux classiques. Un agent, ami d'enfance de l'aide des infirmiers, mais oui, use de toutes sortes de pressions, y compris sur sa famille, pour le coincer. Et la procureure sévit, une nouvelle fois. Alors, vous avez quelque chose à me dire? Madame la procureure, merci de me consacrer du temps. Vous voyez, j'ai des remords depuis longtemps, car... Pourquoi? J'ai fait une chose horrible. Je veux me libérer de ce poids pour moi et mes proches. C'est moi, c'est de ma faute. Ce lycéen, c'est moi. C'était la dernière pièce qui manquait au pouvoir pour terminer l'enquête. Au mois de décembre 83, la procureure délivre son acte d'accusation. Malgré une ultime étude médico-légale confirmant la piste menant aux miliciens, ce sont bien les ambulanciers qui sont les principaux accusés. À leur côté, les deux médecins d'hôpital seront jugés pour négligence. Mais les deux agents de la milice citoyenne sont présents eux aussi sur l'acte d'accusation. Les pressions du pouvoir pour les retirer n'ont pas fonctionné. Mais pour coup mortel, les deux miliciens ne sont inculpés que de simples violences. La peine encourue est bien moins lourde. Et si le procès se passe comme prévu par le pouvoir, ils ne seront même pas condamnés. Ce procès s'ouvre le 31 mai 1984 au palais de justice de Varsovie. Si la presse polonaise n'y consacre qu'un bref encart, les médias européens, eux, sont tous présents. Un procès auquel Barbara Zalewska, la mère de Grzegorz, refuse de participer. Dès le premier jour, en signe de protestation contre ce qu'elle considère comme une mascarade, elle retire sa plainte et annonce ne pas vouloir prendre part à cette mascarade, donc, organisée par le pouvoir. Un premier retournement de situation que les médias occidentaux racontent dans leur édition du jour. Et à Varsovie, par ailleurs, vient s'ouvrir un procès très politique. Barbara Zalewska, une femme de lettres très connue pour son opposition au régime, accuse des policiers d'avoir tué son fils en le passant à tabac. Mais la mère du jeune homme estime que les débats sont truqués. Grégor Przemyk, 19 ans. Il est mort au printemps dernier après une nuit passée dans un commissariat de Varsovie. Il avait été interpellé à la sortie d'un bar lors d'un contrôle de routine. L'affaire fait d'autant plus de bruit que la mère du jeune homme n'est autre que la poétesse Barbara Sadowska, une militante active du comité d'aide aux prisonniers politiques. Il faudra un an avant que le procès ne s'ouvre. Un an qui change beaucoup de choses. Au départ, deux policiers sont accusés d'avoir battu Grégor, puis survient la confession tardive mais providentielle d'un des ambulanciers qui l'ont transporté à l'hôpital. Conclusion, les deux miliciens ne se voient plus reprocher que d'avoir participé à une rixe ayant mis en danger la vie ou la santé de Przemyk. Pour Barbara Sadowska, aucun doute, le procès est truqué. Elle préfère retirer sa plainte. Barbara Sadowska n'est pas la seule protagoniste de l'affaire à faire parler d'elle à l'ouverture du procès. L'ambulancier à qui les services secrets ont fait avouer le meurtre de Grégor Przemyk retire ses aveux. Malgré ces deux déconvenues de taille, la procureure reste droite dans ses bottes. Au fur et à mesure que les jours passent, elle reste imperturbable et déroule une stratégie grossière. Lorsque Césari, le principal témoin et ami de la victime, raconte à la barre avoir vu de ses propres yeux les miliciens frapper longuement Grégor au ventre, la procureure fait intervenir des policiers pour affirmer qu'au contraire, c'est l'étudiant qui frappait les miliciens. Et puis, pourquoi croire un témoin que les services secrets décrivent comme un illuminé, un militant drogué, alcoolique ? Lorsqu'un autre des amis de la victime se présente au tribunal, expliquant avoir entendu depuis la rue, devant le commissariat, les cris de douleur de Grégor, la procureure rétorque qu'il s'agissait en réalité de cris de karaté lancés par le jeune homme. Une thèse grotesque qui est pourtant développée depuis le début dans l'enquête. Alors, les intervenants se succèdent, les uns après les autres, dans la salle du tribunal. L'expert médico-légal campe sur sa position. C'est bien dans le poste de police que le jeune homme a été frappé à mort. Et malgré les reconstitutions bancales produites par la défense des miliciens, il est selon lui impossible que ce soit dans l'ambulance que des coups mortels aient été donnés. Il n'y avait simplement pas assez de place pour se mouvoir. Ce sont enfin deux experts psychiatres qui tentent tant bien que mal de faire croire à des troubles mentaux sévères qui auraient conduit Grégor à agresser les agents de la milice ce jeudi 12 mai 1983. Le 10 juillet, lors de son réquisitoire, la procureure ne flanche pas. Malgré les dizaines de témoignages, les avis d'experts et le retrait des aveux des principaux accusés, elle tient bon et ne retient que la version officielle. Devant les juges, elle requiert ainsi l'acquittement des deux miliciens et demande que les deux médecins soient condamnés sans peine pour négligence non intentionnelle. Les deux ambulanciers, eux, doivent être condamnés pour meurtre. Le 16 juillet 1984, la justice polonaise rend son verdict. Le retour de Jean-François Coulon. Personne n'est responsable de la mort de Grzegorz Przemyk. Le moins que l'on puisse dire, Michel Barthélémy, c'est que la justice polonaise a ses raisons que la raison ignore. La magistrature polonaise avait recommandé au jury un verdict objectif. Ce sont donc les lampistes qui vont trinquer dans cette affaire, les deux infirmiers qui ont transporté le jeune homme, 2 ans et 2 ans et demi de prison ferme pour négligence. Alors qu'encore une fois, un rapport de 8 experts médicaux attestait que tout portait à croire que les lésions intestinales subies par Przemyk avaient bien été subies au commissariat et non lors du transport au centre de secours. Ce qui nous mène à penser que la seule négligence commise par ces infirmiers fut plutôt de ne pas laisser le jeune homme mourir au commissariat. On aurait pu alors parler d'accident du travail, puisque bien logiquement, pour un milicien, la répression, c'est un travail. Le verdict est condamné par les pays occidentaux, mais les opinions publiques oublient vite l'affaire. Quant au pouvoir polonais, il parvient tant bien que mal à clore un dossier qui a bien failli réveiller la colère populaire. Un mois après la fin du procès, les deux ambulanciers sont approchés dans leur cellule. Contre leur silence, le pouvoir polonais leur offre l'amnistie et une libération immédiate. Dans le plus grand secret, les deux hommes sont relâchés. Ce n'est que 5 ans plus tard, à la chute du régime de Jaruzelski en 1989, que leur peine sera définitivement annulée. Barbara Sadowska, la mère de Grégor Przemyk, qui avait retiré sa plainte au premier jour du procès, meurt 3 ans plus tard d'un cancer des poumons. « En octobre 84, le père Popielusko, le prêtre catholique qui avait célébré la messe d'enterrement du jeune étudiant, est assassiné par les services secrets polonais. La dictature ne tombera réellement que fin 90 avec l'élection du leader de Solidarnosc, Lech Walesa. Mais depuis 2 ans déjà, ce pays avait acquis une part de son émancipation avec des accords politiques entre le gouvernement et l'opposition, mais surtout dès janvier 1989, avec la légalisation du syndicat Solidarnosc, l'organisation d'élections libres et la victoire du syndicat de Walesa. Retour cohérent de l'histoire, la Pologne qui en 1980 avait creusé la première brèche pour se libérer du communisme, s'en est débarrassée avant toutes les autres républiques du bloc de l'Est, 11 mois avant la chute du mur de Berlin. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Varsovie 83. Notre invité est Jean-Yves Potel. Bonjour. Bonjour. Écrivain, universitaire, historien, spécialiste de la Pologne. Vous avez vécu en Pologne, hein ? Oui. Vous avez vu le film, évidemment, j'imagine que votre curiosité a été aiguisée. Quel est le regard que vous portez sur ce film et sa qualité documentaire ? Je dirais d'abord que c'est un grand film parce que, bon, comme tous mes amis m'ont fait la même remarque, on est sorti complètement abruti de ce film. On a pris un coup sur la tête. Alors, on connaissait beaucoup de choses, mais c'est très bien raconté. C'est un réalisateur de la nouvelle génération qui a à la fois une formation de régisseur de films de fiction, mais également de documentaires. Il a fait beaucoup de documentaires et il s'est appuyé dans ce film sur essentiellement sur le dossier du procès, donc notamment sur les déclarations du seul témoin. Donc c'est un film qui est très près de la réalité. Il y a quelques détails changés. Par exemple, on a concentré des personnages. Par exemple, vous avez signalé qu'il y a eu 2 procureurs. En fait, il n'y a pas eu 2 procureurs. Il y en a eu 16. Combien ? 16. Ah, je crois que c'était 5. 16. 16, entre eux. Et donc, c'est... Bon, évidemment, il les a concentrés. Il en a d'ailleurs pris... Il a fait une figure un peu caricaturale, mais c'est très fort. Et je crois que ce film a une grande qualité. C'est que, généralement, quand on parle de ces choses, il y a les méchants d'un côté, les bons de l'autre. Il y a une sorte de... Une vision un peu simpliste de la répression. Manichéenne, ouais. Et on voit là une vision très complexe, et on voit aussi l'engrenage. C'est-à-dire cet engrenage que construit le régime, qui est extraordinaire, comment il retourne les gens, ils font que même des gens qui sont des victimes deviennent eux-mêmes des changent complètement de camp, et se mettent à avouer des choses qu'ils n'ont pas faites, et tout ça, c'est vraiment très subtil, très bien montré dans le film. Et vous êtes témoin de ça, moi aussi d'ailleurs, c'était mon tout premier reportage en Pologne, sous l'état de siège en 1982, et effectivement le film retranscrit bien l'ambiance grise, lourde de ces moments-là. Oui, ce qu'il dit aussi, c'est que, si vous voulez, le 13 décembre 81, il y a eu le coup d'État d'Jaruzelski, mais le coup d'État d'Jaruzelski n'a pas été l'écrasement de Solidarność. Non, c'est vrai. C'était sa dispersion. C'est un grand, disons, démocrate de Solidarność, Karol Modzelewski, qui disait toujours ça. Il disait toujours, on a dispersé Solidarité. Ce qui signifie que dans le pays, vous aviez la police, vous aviez le système de policiers, vous aviez l'état de siège, mais vous aviez aussi les gens de Solidarność qui existaient toujours et qui étaient toujours actifs. Donc pour le pouvoir communiste, Solidarność, c'était des feux mal éteints, quoi. Bien sûr, il y avait une espèce de rapport de force qui existait entre eux, qui continuait à exister. Et d'ailleurs, quand vous avez, par exemple, la manifestation à l'enterrement de Grzegorz Przemek, c'est comme très intéressant parce que c'est Popiel Huszko, dont vous avez parlé, qui a fait la messe. Mais ce prêtre, c'est pas n'importe quel prêtre. C'est un prêtre qui, depuis toutes les semaines, tous les mois, fait une des messes pour la patrie, qui est un peu un porte-parole officieux de Solidarność. Et ces messes sont des moments extraordinaires d'opposition. Donc, on est dans un état de guerre dans lequel vous avez des prêtres qui peuvent faire des messes dans lesquelles ils disent beaucoup de mal du régime. Donc, c'est pas n'importe quel prêtre. D'ailleurs, c'est le moment de dire un mot sur le rôle de l'Église à ce moment-là. On rappelle que la Pologne est un pays très catholique, je crois le pays le plus catholique d'Europe. Cette même Église catholique qui soutenait sans vergogne tous les régimes fascistes de la planète, hein, surtout en Amérique du Sud, et tant pis pour les tortures subies par les opposants, propose un choix politique clair, hein, anticommuniste, donc anti-Jaruzelski, peut-être plus que la défense humaniste du peuple polonais opprimé. C'est très politique. En plus, avec Jean-Paul de Kepa, on est d'accord. Oui, mais je crois qu'il faut nuancer. Quand on parle de l'Église polonaise, faut distinguer les prêtres. Il faut distinguer l'épiscopat et la direction de l'Église. Il faut distinguer Jean-Paul II. Ouais. Et ces trois éléments n'ont pas tout à fait la même position. Et en fait, l'Église est un enjeu de la situation. Le pouvoir veut s'appuyer sur l'Église catholique pour pouvoir pacifier la situation. Et il essaye, et il a quelquefois des résultats. Et par exemple, lorsqu'il y avait les dissidents qui étaient, les dirigeants de solidarité qui étaient en prison, il faisait intervenir les prêtres, l'Église, l'épiscopat pour faire pression sur des gens, pour qu'ils soient, sur certains, pour qu'ils acceptent de signer ou ceci ou cela, une déclaration disant se retirant. Donc il y a eu toute une série de tentations de s'appuyer sur l'Église. Et il y a une partie de l'Église catholique qui était prête à jouer ce jeu, mais une autre partie qui n'était pas prête à se jouer. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'Église catholique, dans cette espèce de parapluie qui était l'Église catholique, les gens pouvaient exister de façon même autonome vis-à-vis de l'Église, mais ils pouvaient faire pression sur l'Église. Et donc, Elle n'est pas monolithique, d'accord. Et elle est contradictoire. Très bien. Parce que quand on voit ce film, il y a un sentiment de révolte humain chez nous, spectateurs, et on se dit, est-ce qu'il y a une sorte d'épuration en Pologne après la chute du communisme? Est-ce que des gens comme les deux, là, le policiers, ont été inquiétés ou pas? Eux-mêmes, je ne sais pas exactement, il y a eu ce qu'on a appelé une lustration, c'est un mot qui venait de Tchèque, mais qui est à peu près assez proche. Ça veut dire, c'est en fait une décommunisation, disait-il, de la fonction publique. Ce qui a été fait en partie, c'est-à-dire que, par exemple, que ce soit chez les juges, chez les policiers, que ce soit chez les militaires, bien sûr qu'il y a eu, quelques personnes qui ont été écartées. Vous pouvez pas passer d'un régime à l'autre. On fabrique pas un militaire en 3 semaines. Mais on fabrique pas un juge en 15 jours. Donc ce sont aussi des professionnels. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait, qui a été relativement bien fait dans certains domaines en Pologne. Et on peut dire que avec une une nouvelle formation, de nouvelles choses, une nouvelle génération qui est venue, mais il y a des gens qui sont restés en place, c'est sûr. Jean-Yves Potel, on va se retrouver dans 2 minutes et demie et on va parler de la situation politique de la Pologne en 83, parce qu'elle est vraiment intéressante. Elle aussi, elle est contradictoire, elle est surtout pas monolithique. Hein. Elle est très nuancée, après avoir écouté Laura Cahen, La Fièvre Noire. Je regarde dehors, je vois des montagnes nues dans mon village du nord, la fièvre noire. J'aimerais te mordre plutôt. Je sur Labrador, les murs me font perdre la vue et mon visage se tord, la fièvre noire. J'aimerais te mordre plutôt. Close, j'ai le vague à l'âme. Jean-Yves Potel, on le disait, donc la situation de la Pologne dans les années 80, avant la chute du mur, est différente de celle d'autres pays de l'Est. Elle est plus nuancée. Je dirais qu'elle est plus subtile parce que il y a une forme d'émancipation de la société polonaise qui devance celle des autres pays de l'Est. Que se passe-t-il à partir de, on va dire, 83-84? Ben, tout simplement, vous avez, comme je disais tout à l'heure, le maintien d'une population qui est toujours là. On n'a pas mis en prison toute la population qui a participé. Il y avait 10 millions d'adhérents à Solidarność, donc c'est une force. Et donc, il y a la question du rapport de force. Alors, bien sûr, avec la loi martiale, ils imposent, ils emprisonnent quelques dizaines, 15 000 personnes qui vont être séparées, j'y reviens, 15 000 personnes. Et puis, en même temps, il y a les gens qui continuent, bon, qui ont un coup sur la tête, qui sont déprimés, mais ça reste. Il y a une espèce de résistance qui se maintient tout le temps. Alors, il y a une résistance politique qui va se maintenir immédiatement avec des journaux clandestins, des organisations clandestines, etc., et des prises de position publiques, mais il y a aussi une résistance culturelle qui est très forte, qui s'exprime tout de suite. Et il y a aussi et le fait que en 83, ces jeunes fassent la fête sur la place du château comme ils le faisaient, et qu'ils n'étaient pas du tout dans des jeunes qui rasaient les murs parce qu'il y avait le coup d'État avant, qui avait eu lieu 1 an avant, 2 ans avant. Donc ça, c'est la question. question. Donc vous avez les deux camps qui sont là. Et moi je disais toujours à l'époque, comme beaucoup d'autres, que disons le pouvoir n'avait pas les moyens de détruire Solidarność et les gens de Solidarność n'avaient pas les moyens de renverser le pouvoir. Ouais. Donc on est dans un espèce de équilibre toujours. Équilibre comme ça. Et si vous prenez l'année 83-84, vous avez des dates très intéressantes. 83, vous avez le meurtre de Pšemík, dont on vient de parler, et le 19 octobre 84, c'est le meurtre par les mêmes policiers de Popielusko. Mmh. Donc avec une énorme manifestation de 500 000 personnes dans la rue pour son 500 000 personnes pour son enterrement. Et entre les deux, vous avez une amnistie qui a lieu juste après le procès dont on a parlé tout à l'heure, une amnistie des opposants avec des gens qui vont être libérés, et vous avez des débuts de contact entre officieux publics, entre Waleza et l'épiscopat. Et l'épiscopat, comme je disais tout à l'heure, qui est aussi avec le pouvoir qui fait pression dessus. Mmh. Parce qu'il y a aussi le pape qui va venir pour... Alors vous voyez, vous avez toute une série de facteurs comme ça qui vont dans les deux sens. Et qui vont effectivement aboutir à une situation où Jaruzelski n'aura pas les moyens de faire la politique ou même d'impliquer un état de guerre comme il voulait. Mais avant que Gorbatchev n'arrive au pouvoir. Avant l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en 85. Les années 83-84, on a une Union soviétique dirigée par Brejnev et son glacis. Et on s'est dit à l'époque, vous vous souvenez, à l'époque on s'est dit, mais c'est dangereux, l'URSS va peut-être faire le coup de Prague ou celui de Budapest. Et ça bouge pas. Alors, sous Gorbatchev, on comprend que ça bouge pas. Mais sous Brejnev. Non, parce que, bon, la discussion sur l'intervention soviétique, elle a eu lieu dès août 80. Et ce que disaient les ouvriers de Gdansk, c'est vrai, s'ils n'interviennent pas en 80, oui. Non, mais on était un an après l'intervention en Afghanistan. Ouais. Mais ce que savaient tous les Polonais, et ce que savaient très bien aussi Brejnev et les autres, c'est que ça aurait été 10 fois la résistance ukrainienne que vous avez aujourd'hui. Il fallait 1 million de personnes pour occuper la Pologne. Vous imaginez, après 2 siècles d'occupation de ce pays par différents empires, dont l'empire russe, dont l'empire soviétique et les nazis, etc. Vous imaginez, avec leur tradition de résistance, qu'ils acceptent comme ça, qu'ils se retrouvent, vous voyez bien ce qui se passe avec les Ukrainiens, aujourd'hui. Mmh. Alors que c'est une guerre et c'est une occupation militaire. Et donc, je pense que c'était pas possible. Ils le savaient très bien. Donc, ils ont cherché les compromis. Et ça, c'était la situation à l'époque dans l'intervention soviétique. On n'y croyait pas. Mais c'est pour ça aussi qu'on sait maintenant, on le sait très très bien, que les dirigeants soviétiques ont dit directement à Jaruzelski, c'est à toi de faire le coup d'État, c'est à toi de mater ça. Et si demain matin, Solidarność prend le pouvoir, on ne fera rien. Ah oui. Souslov, si vous vous souvenez de Souslov. Oui, Souslov. C'était vraiment un des grands idéologues du soviétisme. Ouais. Il a dit ça clairement. On a aujourd'hui les comptes rendus des bureaux politiques. Donc il n'y a pas de problème. Bon, la réponse est claire. C'est ça la situation. Alors après, qu'est-ce qui est devenu? Qu'est-ce qui s'est passé après? Accord politique. Oui. Des 88. Mais surtout que Jaruzelski est devenu le champion de Gorbatchev. En oui, Europe centrale. Absolument. Alors que oui, mais c'est quand même... Oui, c'est un retournement d'histoire incroyable. Absolument, c'est pour ça que c'est oui. pas si long. Ça veut dire oui. aussi que l'histoire qu'on a racontée, elle compte beaucoup dans le processus. Oui, oui, oui. Je crois que c'est une étape qui montre bien l'évolution. Vous êtes d'accord avec moi quand je dis que la Pologne a creusé les premières brèches dans le glacis communiste, parce que j'ai parlé de 80, il y a eu 70 aussi. Il y a eu 70, il y a eu 68, il y a eu avec les voilà. étudiants, bien sûr que c'est l'enfant, c'était quand même l'enfant terrible du bloc de l'Est. Est-ce que c'est lié, justement, à l'histoire de la Pologne avec la Russie? Oui, c'est lié à... Vous avez un pays, une nation polonaise, et un pays qui, grosso modo, pendant 2 siècles, a été, à part une courte période entre les deux guerres, a été sous la domination d'empire. Ouais. L'empire russe, mais pas que l'empire russe, il y avait aussi l'empire prussien, il y avait aussi l'autrichien, les autrichiens, et puis il y avait aussi l'empire soviétique ensuite. Donc, Et puis, ce qu'il faut jamais oublier quand on parle de la Pologne, l'extraordinaire violence qu'a été la Seconde Guerre mondiale pour la Pologne. Elle a perdu 17% de sa population. 17% de sa population civile tuée, dont 95% de ses juifs. Donc, qui était comme, tout ça, plus les déportations de population. Donc, c'est un pays qui a cette histoire, et c'est normal que ça fait qu'une telle histoire, on le saurait à moins, je dirais, qu'il y ait une résistance naturelle dans ce pays. On imagine leurs sentiments, effectivement, en ce moment, quand ils voient ce que fait Poutine à leurs frontières. Mais oui, là, je suis ça de très près aujourd'hui. Évidemment. Et on a, dès que la guerre a commencé, spontanément, mais vraiment spontanément, malgré même ce que voulait faire le gouvernement, spontanément, vous avez une masse importante de la population polonaise qui s'est mobilisée pour les Ukrainiens. Bien sûr. Jean-Yves Potel, merci infiniment. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Varsovie 83, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos.